En me levant un matin, j'ai eu cette idée qui me trottait dans la tête. Écrire un refrain, poser les mots, me passant par la tête. À ce moment j'ai découvert un pouvoir extraordinaire, le pouvoir incroyable des mots, sans aucun mystère. Histoire de penser, penser la vie comme on l'écrit. Histoire de rêver, rêver sa vie dans un récit. Utiliser les mots et les faire danser sur cette mélodie. Dessiner son histoire au fil du temps, lui lire sa vie. Marquer d'un point l'arrêt comme un signe du destin. Marquer d'un trait l'idée et en colorier son dessin. Histoire de penser, penser la vie comme on l'écrit. Histoire de rêver, rêver sa vie dans un récit. La vie est un long rêve paisible où tous les mots aiment se croiser. Mots de tête, mots difficiles, soulevant ta réalité. Un brin de toutes les âmes, petit ange des sentiments, un battement de vive flamme, la vie s'envole au vent. Histoire de penser, penser la vie comme on l'écrit. Histoire de rêver, rêver sa vie dans un récit. En me levant un matin, j'ai eu cette idée qui me trottait dans la tête. Écrire un refrain, poser les mots, me passant par la tête.